Allô, allô, bienvenue au podcast 11.0 du Lobster. Cette semaine, j'ai des tonnes de sujets que je n'aborderai pas. Oh oui, je vous parlerai pas de l'échange de Pacioretty. Oh non, je connaissais même pas le nom de l'équipe à qui il a été échangé, les Golden Knights, une équipe qui a sûrement pas joué contre les Nordiques. Donc, comme mes connaissances et mon intérêt pour le hockey sont proches du néant, on va rester loin de ce sujet. Car sachez que je préférerais toujours m'instruire sur les chauves-souris ou les papous de Nouvelle-Guinée avant d'en savoir plus sur le hockey. Je ne vous parlerai pas non plus dans ce Lobster des techniques d'extraction de la gomme d'épinette, de la vélocité d'un ballon qui tombe d'un cinquième étage ou de la durée d'une journée de 24 heures. Donc voilà, la table est mise pour ce Lobster 11.0, un Lobster où je vais devoir faire un effort pour vous parler de tout et faire attention à ne pas vous parler de rien. Courir. Ne rien faire d'autre que courir. Pour certains, mettre un pied devant l'autre dans un mouvement de course fait partie d'un mode de vie. Dans mon cas, je vois plus ça comme un exercice que je peux pratiquer en 2 secondes. Je n'ai qu'à enfiler mon linge de sport, mettre mes souliers de course, un peu de bonne musique dans les oreilles et c'est parti. Il y a quelques années, je courais beaucoup. Ma routine était de faire 3-5 km dans ma semaine et de me taper un 10 km le samedi ou le dimanche. J'avais à ce moment des belles jambes de coureur. En 2011, je m'étais inscrit au demi-marathon Oasis de Montréal, un 21 km. Et manque de chance, cette journée-là, j'ai fini deux choses. J'ai fini mon 21 km en 2h33 et j'ai fini à l'hôpital. C'était une journée chaude et humide. Et je n'ai pas assez bu durant ma course. Donc, à la fin de mon effort, j'ai eu des douleurs intenses dans le dos près des reins. J'ai fait une insuffisance rénale. À l'hôpital, on m'a donné 2 solutés pour me réhydrater et j'étais top shape après. Mais j'avais tout de même réalisé quelque chose, que ça donnait pas grand-chose de faire des gros défis comme ça, pour supposément se dépasser. Là, ce genre de leitmotiv ne marche plus avec moi. Je cours encore, moins souvent. Alors que je courais 5 km en moins de 30 minutes, là, je prends environ 40 minutes. Et j'ai autant de plaisir. Partir de chez moi et faire le demi-tour de l'île Perrot, dans mon coin, c'est environ 10 km. Alors que je le faisais tous les samedis ou dimanches, là, je vais plus me donner le défi de le faire au moins une fois dans l'été. Puis je vais me choisir une journée froide pour le faire. Question de ne pas finir dans le fossé, à moitié mort, à essayer de me défendre contre les corbeaux venus se régaler de ma carcasse. Je sais pas trop où je m'en allais avec cette chronique. Sûrement pas dans le fossé avec les corbeaux. Mais je pense que je voulais simplement vous dire de bien doser vos efforts et vos défis. C'est pas nécessaire d'avoir couru un demi-marathon pour prouver votre amour de la course. Moi, je dirais, si vous avez du fun à courir autour de chez vous, restez-y. On n'est jamais aussi bien que chez soi. Pas besoin d'aller dépenser votre argent pour avoir le droit de courir avec les autres. Continuez à courir sur votre piste cyclable, c'est gratuit. Je pense que je vais aussi vous laisser mon numéro de téléphone. Pour ceux qui cherchent un motivateur nouveau genre, je pense que je serai très bon. Avec moi comme coach, je vous promets de vous aider à vous dépasser. Mon slogan serait « Avec Fred, augmente tes capacités d'au moins une demi-fois ». Tu courais déjà 5 km? Avec moi comme coach, je te garantis que tu vas en courir au moins 2,5 à la fin de notre entraînement. Je vais me spécialiser dans les 1/16e de marathon. Je serai un coach à la hauteur de tes ambitions si tes ambitions sont à la hauteur de tes mollets. Voilà, non, sans blague, continue à courir ou à faire du sport. Je faisais juste me questionner sur la valeur des courses un peu plus longues. Je vous dis pas de pas en faire, mais je pense que les niveaux de risque, de blessures ou autres, augmentent pas mal par rapport aux gains que ça procure de faire ces longues courses-là. Donc, je vous dis simplement de vous questionner pourquoi vous voulez en faire. Ce que je trouve qui est très intéressant maintenant, c'est les courses de 5 km avec obstacles qu'il y a maintenant un peu partout dans différentes villes au cours de l'été. Il y a des courses faites spécialement pour les familles et les enfants et ils te font jouer dans la boue. Courir dans des bulles de bain, moi je trouve le concept intéressant. Sur ce, on part en musique, puis au retour, je pense que je vous parle des 2 éléphants qui courent avec moi. Do you want heavy? Montreal, do you want heavy? Metallica gives you heaven, baby! Tantôt, de vous parler de course me fait repenser à un vieux film québécois, le film « 2 secondes ». Bon, c'est un film sur le vélo. Je sais pas quand mon cerveau a linké là-dessus en pensant à la course. Mais bon, on écoute un bout du film et je vous en parle au retour. Parce que dans le Lobster, je vous parle pas des nouveaux films qui sont à l'affiche et dont tout le monde parle. Non, moi je parle de films oubliés que vous trouvez en version VHS dans les bons marchés Opus. C'est pas évident votre boutique, hein? C'est comme un miracle que je vous ai trouvé. Mais c'est encore plus un miracle que vous soyez ouvert à cette heure-ci. Ça va. Vous voulez faire une prière aussi? Non. Je voudrais deux affaires. Une chaîne 332 Hyperglad Shimano. Campagnolo. Le meilleur. Vous avez pas de Shimano? Je voudrais aussi un pignon à 11 dents, première de 8 XTR Shimano. Mais non, pas ça, monsieur. Non, juste le pignon de 11. Ça n'existe pas. Mais voyons. Non. Ben oui, ça existe. Ça n'existe pas. Ben oui, voyons, je le sais. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans ma boutique. Et si ça n'existe pas dans ma boutique, c'est parce que j'en vends pas. Et si j'en vends pas, c'est une très bonne raison pour laquelle j'en ai pas. Si vous en aviez eu aujourd'hui, vous en auriez vendu. Le film met en scène Charlotte Laurier avec les cheveux courts dans ce film-là. Je me souviens d'avoir écouté le film il y a une dizaine d'années et j'ai un bon souvenir, donc ça devait être bon. J'ai scanné le film rapidement tantôt sur YouTube en allant chercher l'extrait, puis j'accrochais partout dans le film. Finalement, j'en ai écouté un bon 10 minutes un peu partout. Donc, je crois que c'est un bon film, s'il m'accroche encore comme ça. Voici le synopsis pour ceux qui aimeraient l'écouter. Une ex-championne de vélo de montagne se recycle dans le métier de courrier à bicyclette, se faufilant à vive allure à travers les embouteillages et la circulation dense du centre-ville de Montréal, la cycliste découvre le monde urbain, son béton, ses infrastructures et son rythme de vie haletant. De plus, son amour inconditionnel pour le vélo la transporte dans des lieux plus paisibles à l'abri de l'effervescence de la cité, sa campagne, ses banlieues, ses ruelles en reste, où elle s'évade et se retire. Donc, un petit film québécois qui méritait qu'on ne l'oublie pas. Maintenant, mes amis les éléphants. C'est eux, ils viennent à la queue, le rat à plan. Voici les éléphants, ça y est. C'est clair, oui, cette fois c'est la guerre. C'est eux, ils encerclent l'ennemi jusqu'au lit. À quelle stratégie? Rat-tap-tap-plan, la marche des éléphants. Est-ce un assaut? Moi, je n'ai rien d'un héros. Pour un pareil bataillon, pour n'avoir bu que quelques verres, y a vraiment de quoi être en colère, ça servira de leçon. C'est une troupe d'élite, si je pouvais prendre la fuite, ils sont trop technicolores, et quand y en a plus, y en a encore. Au secours! Allez-vous-en, c'est affreux, il n'y a que la marche des éléphants. Des éléphants. Dimanche passé, avant d'aller rejoindre mes amis pour un match de soccer et barbecue d'été, j'ai décidé, avant de partir, d'aller courir 5 km, car depuis quelques temps, le goût de courir m'est revenu, et dès que je peux, je sors accompagner mes souliers de course dans leur promenade. Donc, je suis allé courir un 5 km, puis comme depuis un certain temps, mes amis l'éléphant bleu et l'éléphant rose m'accompagnaient. Bon, je vous rassure, je vois pas réellement des éléphants. J'ai pas besoin de me faire soigner pour des hallucinations. Il m'arrive de m'imaginer que deux éléphants, un bleu et un rose, m'encouragent. Et tout ça à cause de l'euphorie du courant. Bon, je m'explique pour que vous compreniez un peu mieux d'où ça sort. Pour ceux qui courent régulièrement ou ont des amis qui leur parlent de course, vous en avez peut-être entendu parler. L'euphorie du courant, c'est quoi? C'est une sensation de bien-être quand on court. Et selon les scientifiques, ce phénomène serait lié aux endorphines. Opiacés naturels produits par le corps, les endorphines agissent entre autres comme un analgésique. Et dernièrement, des scientifiques ont réussi à expliquer cette euphorie du coureur. Je vous lis le passage de l'article qu'on trouve sur le site de Radio-Canada. Ces experts en médecine nucléaire, neurologie et anesthésie de la Technische Universität München et de l'Université de Bonn ont réussi à démontrer pour la première fois qu'il y a, lors de la course à pied, un afflux d'endorphines dans certaines régions du cerveau liées à l'humeur et l'émotion. Bon, le reste de l'article, c'est du blablabla. Mais quoi qu'il en soit, les coureurs savent désormais qu'ils ne délirent pas. L'euphorie du coureur est bien réelle. C'est un buzz, selon les scientifiques, similaire à celui de la drogue. Bon, je suis contre toute forme de consommation de drogue, mais si mon corps en produit, j'y peux pas grand-chose. Donc, pour en revenir à mon histoire d'éléphant, chaque fois que je cours, j'espère ressentir cette euphorie du coureur que j'ai déjà expérimentée. Une fois. Une unique fois. C'était par une superbe journée orageuse. Le vent s'était levé et on sentait qu'il y allait avoir un gros orage. Donc, j'avais mis mon linge de course en vitesse et était parti courir. Car oui, j'aime courir sous la pluie. Depuis que je suis jeune, je fais ça. Mes parents m'envoyaient courir sur le terrain en bobette dès qu'il mouillait. C'était probablement pour avoir un peu la paix, car j'étais un petit diable. Mais bon, le goût de courir sur la pluie m'est resté et je le fais maintenant aussi avec mes enfants. Donc, cette journée-là, je courais sous la pluie. Et à un moment donné, sur le retour, après 3 ou 4 km, la pluie s'est mise à tomber comme ça se peut pas. Le taux d'humidité était à 125%. J'étais détrempé, mais j'avais de la bonne musique dans les oreilles. La pluie était chaude, et grâce à ma casquette, j'arrivais à garder les yeux ouverts. J'avais mal un peu partout, mais c'est à ce moment que l'euphorie du coureur m'a frappé. Je me suis senti heureux comme jamais. Je me suis mis à courir plus vite qu'à l'habitude. Sans blague, je crois même avoir crié « Adriane » en levant les bras en l'air. Tout ça a duré un gros 5 minutes. À ce moment-là, j'ai pas compris tout de suite ce qui m'était arrivé. J'ai juste pensé que j'étais juste un peu trop heureux. Mais après, en lisant sur la course, je suis tombé sur un article qui parlait de ça. De cette joie que certains coureurs ressentent parfois. Depuis ce temps, chaque fois que je cours, je souhaite toujours refaire ce trip. Et de là sont nés mes deux éléphants qui m'accompagnent. Car quand je cours, je suis pas mal dans ma tête et m'invente des histoires drôles pour ne pas penser que j'ai mal aux pieds. Et de là sont apparus les éléphants qui m'encouragent. Justement, tantôt, quand j'ai commencé à écrire cette chronique, le ciel s'est masqué d'or, de gros nuages de pluie. Je suis donc parti courir un 5 km. Et devinez quoi? Je sors dehors, je regarde l'heure et me prépare à partir courir. Mais l'éléphant bleu, qui a vu que je m'étais pas étiré, me bloque la route et me fait signe de m'étirer. Donc, je m'étire un peu les jambes, les bras. Quand je vois que Momo bleu semble approuver, je pars. Tout va bien. 5 km, c'est pas trop long. J'arrive à le courir sans faire d'arrêt, même si je souffre un peu. Après 2 km environ, sur la jolie piste cyclable qui parcourt Notre-Dame de l'Île-Perrot, j'approche du banc, le fameux banc blanc devant lequel je dois passer. C'est un joli petit banc, métallique, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Non, le problème ne vient pas du banc, mais du choix de son emplacement. La ville l'a installé dans un boisé mystérieux et probablement magique. Et je vous mentirai pas, chaque fois que j'arrive là, j'ai toujours le goût de m'asseoir pour prendre une pause. Il y a toujours une force mystérieuse qui implore mon corps de faire une pause. Je continue donc ma course et j'approche du banc blanc, qui lui est entouré de gros arbres, sûrement des Ents. Et là, qui je vois? Assise sur le banc, une jolie fille. Elle est habillée comme moi en linge de sport. Elle porte un joli rouge à lèvres rouge et ses cheveux longs flottent dans la brise. Et dès que j'approche, elle me fait des signes, de gros signes pour que j'arrête m'asseoir. Dans ses mains, elle semble avoir une nouvelle bande dessinée que j'ai jamais vue. Elle veut sûrement me la montrer. Donc, intéressée par la BD et un peu la fille, je commence à ralentir. C'est à ce moment que mes deux éléphants, que j'avais pas vu depuis un certain temps, me dépasse. Arrivant de derrière moi et me doublant de chaque côté, l'éléphant rose et l'éléphant bleu sautent sur la jolie fille. Alors que Momo bleu tire les cheveux de la jolie fille et l'oblige à s'éloigner dans le boisé, Momo rose arrache les feuilles de la BD pour les jeter une par une dans la poubelle bleue que la ville a installée. Croisant le regard de Momo rose, je lis dans son regard que je suis mieux de recommencer à courir. Donc, je laisse faire pour la pause prévue sur le banc et je continue. Plus loin, à 2,5 km de la maison exactement, et que je me trouve à un endroit précis dans l'univers, ce qui dans mon cas correspond à l'emplacement d'un poteau de l'Hydro-Québec, Alors, je contourne ce poteau qui m'annonce que je dois revenir vers la maison. Tout va bien, car jusque-là, je courais sur un faux plat montant. Maintenant, il me reste juste à descendre jusqu'à la maison. Malheureusement, je vais devoir recroiser le boisé magique. Donc, quelques minutes plus tard, le banc blanc est en vue. Je repasse devant, mais aucun signe de mes deux momos ou de la jolie fille. Comme j'ai pas l'intention de prendre de pause cette fois-ci, je continue. 100 mètres passé le banc, alors que je suis toujours dans le boisé mystérieux, je croise un couple d'amoureux qui marche main dans la main. Et étrangement, à mon approche, la fille pousse son chum dans le gazon et elle tend les bras pour me bloquer la pièce. Ne sachant pas trop quoi faire, je continue ma course en essayant de l'éviter, en passant sur le gazon du côté libre, en évitant les arbustes qui s'y trouvent. Mais non, elle me fait une jambette et je tombe directement sur le gazon du boisé mystérieux dont le branchage des hentes masque le ciel. Alors que la fille m'embrasse partout sur le visage et que je me démène un petit peu pour me sortir de cette situation embrassante, je vois l'éléphant bleu sortir d'un talus pour retenir la chum de la fille qui s'était relevée et commençait à se faire menaçant. Sortie de nulle part, Momo Rose apparaît et attrape la jolie fille par la queue de cheval et parvient à lui faire lâcher prise. Libre de mes mouvements, je lui envoie un baiser de la main pour clore cette relation furtive et reprends ma course. Non, sans un léger pincement dans mon pantalon moulant. Alors que je sors enfin du boisé magique, je jette un dernier coup d'œil derrière moi et je suis surpris de voir la fille se transformer en créature vile et malicieuse et me crier « Colour! Colour! Mon précieux! » Effrayé, j'ai tout donné ce qui me restait dans les jambes et réussi à revenir sain et sauf à la maison. Et non, malheureusement, je n'ai pas ressenti l'euphorie du coureur cette fois. Mais bon, c'est pas bien grave. Je pense que j'ai pas besoin d'un surplus d'endorphines pour m'imaginer que je vis de bonnes aventures. Mexico, Mexico, yo ho, Mexico, fly to the sun. Au moment d'écrire ce bout de chronique, je viens de m'asseoir dans le train de banlieue qui m'amène au travail. La rentrée des classes est faite depuis quelques jours déjà et le train est maintenant plus rempli que durant l'été. Heureusement, le train que je prends sur la ligne de Vaudreuil n'est jamais trop plein. On ne nous entasse pas comme des sardines. Tout le monde a le droit à une place assise, contrairement à d'autres lignes où des collègues me disent qu'ils n'ont pas toujours de place assise. Moi, mon voyage en train dure environ 50 minutes pour faire l'île Perrault jusqu'au centre-ville. Puis c'est toujours agréable. Je m'assois toujours au deuxième étage, l'étage tranquillité, où les conversations doivent se faire à voix basse. Le son des écouteurs dans les oreilles doit être inaudible pour les autres. Et finalement, les sonneries de téléphone doivent être en mode silencieux. Trois règles simples qui rendent le voyage agréable. Autour de moi, la grande majorité des gens s'affairent à pitonner sur leur téléphone, sur un portable ou une liseuse qu'ils ont en main. Impossible de renier l'époque numérique dans laquelle on vit. Chacun fait sa petite chose dans sa petite bulle. Écouteurs sur les oreilles, bien à l'abri de tout contact humain. Une jeune étudiante aux longs cheveux bruns, qui tient un crayon marqueur vert pour souligner des passages dans ses notes de psychologie, est la première à rompre le fragile équilibre. Elle me fait signe pour que je la voie. Ce qui, à mes yeux, je dois l'avouer, n'est pas désagréable. Le contact établi, elle me tend la main pour m'offrir un objet plutôt hétéroclite pour entamer la discussion. Je vous l'avoue, c'est la première fois qu'on m'aborde de cette façon. Si c'est une technique de Cruise, c'est vraiment inusité. Donc, elle me tend la main et me remet un rouleau de papier de toilette. Ah, je comprends maintenant. Elle devait me surveiller du coin de l'œil et s'est rendue compte que je cherchais mes Kleenex pour me moucher. C'est la grosse période pour mes allergies et malheureusement pour moi, j'ai tout donné mes paquets de Kleenex individuels à mon jeune garçon pour qu'il les amène à l'école. Et j'ai oublié de m'en racheter. Donc, j'accepte son rouleau de papier de toilette et m'en déroule allègrement une longue bande, assez pour tenir jusqu'à l'arrivée à Lucien Lallier. Ma bienfaitrice semble contente. Autant que moi, elle m'explique en anglais qu'elle est aussi en plein dans la période de ses allergies. Je la remercie. Thanks, you're so nice. Have a nice day. You're welcome. Et non, elle ne me saute pas dessus pour m'embrasser. On n'est pas dans le bois mystérieux, un peu de tenue. De retour à mon écran de laptop, après m'être mouché, j'entrevois dans le banc juste devant moi un oiseau rare. Une demoiselle qui est en train de lire un livre en format papier. Oui, format papier. Avec toutes les contraintes que ça engendre. Mais oh, comment plus plaisant à posséder. Je regarde autour, ça semble OK. Pour l'instant, aucun des ultra-branchés ne semble avoir remarqué. Sa vie ne semble donc pas en danger pour l'instant. Mais je vais garder l'œil alerte, on sait jamais. Il y a longtemps que j'ai compris que nous, qui n'avions pas le dernier iPhone à 1300$ ou l'iPad récent pour égayer notre vie, étions en danger. Encore dernièrement, quand je sortais mon téléphone flip-flop, qui avait comme seule fonction de pouvoir téléphoner, j'attirais les regards moqueurs. Heureusement, quelqu'un m'a donné un vieux iPhone pour que je puisse me fondre dans la masse. Mes jours ne sont donc plus comptés. Rassurez-vous, je vais vivre, le lobster va vivre. Près de moi, très proche en fait, la fille avec qui je suis assis et qui a un parfum qui me rappelle mon détergent à lessive à parfum de lavande, envoie des messages texte sur son téléphone. Je tourne subtilement la tête vers elle et crochille l'œil suffisamment pour lire les messages qu'elle envoie. Je suis pas vraiment curieux, mais je désire simplement m'assurer qu'aucun complot n'est en cours pour préparer une opération punitive contre la fille qui a un livre. Non, tout semble correct. Miss Détergent semble parler à une amie qui lui dit en anglais qu'elle vient de comprendre comment porter son foulard dans son cou. L'amie, assurément une débrouillarde, lui explique comment elle va arranger le foulard autour de son cou. À mon avis, la débrouillarde aurait pu lui envoyer une photo du foulard enrubanné autour de son cou, et nous aurions conclu ce bout de discussion beaucoup plus tôt. Mais bon, on va faire avec. Heureusement, comme moi, ma collègue de bas, Miss Détergent, ne semble pas trouver ce sujet plus intéressant. Elle lui répond par un emoji du sourire et lui envoie, pour changer de sujet, une photo de gâteau. Enfin, je pousse un soupir de soulagement, un peu de concret. Un joli gâteau de fête rose sur lequel semble trôner une ballerine. Sûrement pour la fête de sa fille. Miss Lessive tourne le regard vers moi. Je souris bêtement. A-t-elle remarqué mon intérêt pour son gâteau de fête? Peu importe. J'espère seulement qu'elle respectera mon intimité et ne lira pas ce que je suis en train d'écrire sur elle sur mon laptop. Le respect de l'intimité, tu connais? Bon, elle retourne à son écran. Elle ne voulait, semble-t-il, que me sourire. Sur ce, je vois sur le tableau afficheur qu'on annonce la prochaine gare. Beau repère! Super, j'ai encore plein de temps pour écrire. De biais avec moi, une rangée avant, un homme qui a son portable sur les genoux est en train de texter dans Skype avec quelqu'un. Et à le voir sourire, ça ne semble pas être pour le travail. Heureusement, j'ai encore une très bonne vue. Je porte des lunettes pour lire de proche, mais à distance, un vrai faucon. Ce qui me permet de voir clairement la photo de la fille avec qui l'homme parle. Une blonde pétillante. J'ajuste un peu mon focus, ce qui me permet de saisir vaguement le sujet de leur discussion. Tu voudrais qu'on fasse un pique-nique? Oui, bonne idée, blablabla. Je lis rapidement, car le train nous trimballe en ce moment de gauche à droite. Il n'y a pas que les routes qui ont besoin de réparation. Pour en revenir à notre discussion avec la blondinette, je comprends que si la belle température annoncée pour le week-end se maintient, on va aller en pique-nique à Québec. Sur les plaines d'Abraham? Youpi! Enfin, youpi pour eux. Moi, je suis pas sûr de pouvoir me joindre. À ce moment, la jeune étudiante qui m'a gentiment offert son rouleau se lève. Elle est arrivée à sa gare. Je lui réserve mon plus beau sourire pour lui signifier que j'ai apprécié son geste plus tôt et là-dessus, nos routes se séparent. De retour à mes petites affaires, je remarque que Miss Lessive, ma coloc de banc, a recommencé à texter. Et ça texte fort. Je vais enfin en apprendre un peu plus sur l'histoire du gâteau. Je vous traduis librement ce que je comprends. « Très beau gâteau », a répondu l'ami débrouillard. Mais dans un deuxième SMS, elle dit qu'elle préfère celui sur la deuxième photo. Le deuxième? Je regarde Miss Lessive, étonnée. Quel deuxième gâteau? Merde! Je présume que j'ai manqué un bout de la conversation en regardant un peu partout. Je me demande un instant si elle serait offusquée si je lui demandais pour voir la photo du deuxième gâteau pour donner mon avis. Bof! J'arrive bientôt à destination. Je suis pas sûr que j'ai le temps de m'embarquer dans une longue discussion culinaire. De plus, Miss Lessive commence à se ramasser. Comme moi. Je crois qu'on débarque à la même gare. Enfin, on arrive au bout, à Lucien Lallier. On doit tous débarquer. Devant moi, la demoiselle au livre papier le range dans son sac. Bonne idée, c'est plus sûr. Monsieur Pique-Nique aussi est en train de ranger son portable. J'évite son regard quand il se lève. Finalement, j'ai pris la décision de laisser faire le pique-nique avec eux. Je vais profiter de ma piscine ce week-end. Oh, mon train arrive en gare. Gare Lucien Lallier. Chip, chip, chip, chip, chip. Cette semaine, dans notre section sur les BD, j'ai le goût de vous parler de ces 12 nouvelles BD que j'ai ajoutées à ma collection la semaine passée et que je vous avais dit que je vous reparlerais. La série Hans, H-A-N-S. J'ai eu le temps de lire les 4 premières BD. Cette série est une série de science-fiction avec un traitement très adulte, pas de petit bonhomme coloré comme dans le Scrameustache, non. Les dessins se rapprochent de la réalité, une réalité de science-fiction bien sûr. Sachez que cette série est terminée, 12 tomes, donc je semble avoir acheté toute la série. À date, mon avis après 4 tomes de lu, c'est que c'est bon, mais sans le facteur « wow ». J'adore la lire, mais je ne paierai pas plein prix pour cette série. Donc, à prendre à la Biblie ou à la trouver dans l'usager. Je vous lis le synopsis des fois que vous auriez le goût de vous lancer dans ce type de lecture qui se passe dans un futur inventé. Donc, le synopsis, 2027, dans une contrée inconnue, aux abords d'une ville, erre un homme. Amnésique, il ne se souvient que de son prénom, Hans. Récupéré par les gardes de la ville qui veulent l'emprisonner, il s'enfuit et est recueilli par 2 pilleurs extérieurs. Grâce à eux, Hans apprend les règles de ce monde dévasté par une catastrophe nucléaire où la pensée, la puissance de la suggestion occupe une place importante. Pourchassé par les vigilants, il se réfugie dans les montagnes de lumière. Lentement, Hans recompose le puzzle de sa vie. Donc voilà, si jamais il y en a qui sont intéressés, la série s'appelle Hans. Donc c'est déjà tout pour le Lobster 11.0 pour cette semaine. Donc je vous souhaite une belle semaine, puis on se revoit la semaine prochaine. Pour ceux qui veulent me laisser des messages ou ont des demandes spéciales, c'est via le site Facebook du Lobster. Merci! Je suis Otto l'ours. J'aime le miel. De l'armée d'euphorie dans une tente vivante. Monsieur Balloon, t'es mon petit garçon. Monsieur Balloon, c'est toi ma maison. Monsieur Balloon, t'es mon petit garçon. Monsieur Balloon, c'est toi ma maison. Avec tes doux doigts que t'as vu le jour. accident.